Bien, bonjour. Je vais vous parler donc de l'île de Pâques. Mais avant de commencer, je vais faire une petite précision lexicale en fait. Quand on parle de l'île de Pâques, on parle en fait de cette île après le contact européen, c'est-à-dire à partir du moment où les Hollandais l'ont découverte en 1722. Et l'usage veut que avant ce contact européen, on parle de Rapa Nui, de l'île de Rapa Nui, la grande Rapa. Bien que ce terme de Rapa Nui, en fait, date du XIXe siècle, hein, ce sont des catéchumènes tahitiens qui ont donné ce nom-là, parce que l'île de Pâques leur rappelait Rapa, donc l'île des Australes. Quand je parle de Rapa Nui, je parle de l'île pré-contact européen et l'île de Pâques après. On parle aussi de peuple ou de société Rapa Nui, ou de culture Rapa Nui, en un seul mot. Bien, alors l'île de Pâques, c'est un modèle d'effondrement socio-écologique, à la fois pour les historiens de l'environnement et plus largement pour le public, hein, voire même pour des entreprises telles que EDF, qui font de la pub, disons, sur la durabilité du nucléaire par rapport à l'effondrement de l'île de Pâques. De fait, il y a quand même deux thèses en présence. Une thèse qui est la plus connue, la plus répandue, grâce notamment aux écrits de Jared Diamond, qui a écrit un gros livre qui s'appelle Effondrement, puis qui a écrit un article dans Science spécialisé sur justement les causes de l'effondrement de l'île de Pâques, mais qui est donc très répandu hein, parmi les historiens de l'environnement. Et cette thèse donc est celle de l'écocide ou celle du suicide écologique. En deux mots, cette thèse dit que finalement les Rapa Nui seraient les seuls responsables de l'effondrement de leur île, puisque cet effondrement, disons, a eu lieu avant le contact européen. Autrement dit, donc, d'où le terme de suicide écologique, d'où le fait donc, que ces Rapa Nui seraient responsables de la fin de leur monde. Cette thèse, en fait, elle présente deux biais principaux à mes yeux. Il y en a d'autres, hein, c'est pour ça que je parle de biais principaux. Le premier biais, c'est qu'elle passe largement sous silence les effets socio-écologiques du contact européen et elle ignore presque totalement l'histoire de l'île de Pâques, justement, après ce contact. Et deuxièmement, elle minimise les capacités d'adaptation et de résilience de cette société Rapa Nui. Voilà comment est-ce qu'on... Diamond peut la résumer, enfin, il y a tout un tas d'autres citations. Hein. Donc, un exemple parfait de désastre écologique dans le plus parfait isolement. La deuxième thèse est dite celle de l'écocide, de l'ethnocide. Et c'est une thèse plus récente qui est moins répandue. Et qui, elle, disons, qui ne nie pas l'effondrement Rapa Nui, mais qui dit que cet effondrement, il a été plutôt, disons, il a été plus vif encore après le contact européen. Le principal propagateur de cette deuxième thèse, c'est un archéologue américain qui s'appelle Terry Hunt, et donc qui, voilà, j'ai mis une petite citation de ce chercheur, et donc, voilà, c'est un effondrement post, disons, contact. Le problème de cette thèse, c'est qu'elle n'analyse pas vraiment la nature de ce contact. Hein, et en fait, elle réduit ce contact en fait, à quelques épisodes que vous avez sous les yeux, hein, des maladies et la traite esclavagiste. Bien, alors moi, par rapport à ça, je propose... Donc la première thèse me paraît erronée, voire même idéologiquement biaisée. On pourrait éventuellement revenir là-dessus. La deuxième me paraît incomplète. Donc moi, je propose une interprétation géographique de cet effondrement socio-écologique de l'île de Pâques. En définissant la géographie, hein, c'est ma petite définition de la géographie, j'ai mis une définition étymologique de la géographie, selon laquelle c'est la géographie est la science qui étudie les empreintes que les sociétés produisent à la surface de la Terre, hein, géographie, et aussi les relations que ces sociétés entretiennent avec l'environnement terrestre. Donc il y a à la fois des c'est du matériel et c'est de l'idéal, comme dirait Godelier. Donc, à partir de là, j'ai deux objectifs hein, dans cette communication. Le premier, c'est de montrer que la société Rapa Nui a survécu à plusieurs fins du monde. Ces fins du monde n'ont pas toutes été des effondrements. Et c'est à ces géographies successives que la société Rapa Nui doit ses adaptations et ses résiliences. C'est une question géographique. Finalement, les survies de cette société Rapa Nui au cours de l'histoire sont dues aux géographies de cette société. Le deuxième objectif, c'est de vous montrer que parmi ces fins du monde Rapa Nui, les plus dangereuses sont dues à ce que j'appelle les ouvertures géographiques de l'île. Autrement dit, à des géographies qui sont le fait d'acteurs extérieurs à l'île. Par ouverture géographique, j'entends, disons, les profondes transformations à la fois sociales et écologiques qui sont dues à la connexion d'une région jusqu'alors isolée, connexion de cette région au système monde. Donc, je vais commencer par un petit rappel. Hein. Donc, les Austronésiens, vous avez là sous les yeux une carte de l'expansion des Austronésiens dans le Pacifique. Une partie de ces populations austronésiennes sont les Polynésiens. Et ces Polynésiens, à partir, disons, de deux archipels, les Samoa et les Tonga, donc qu'on appelle Hawaïki, ont colonisé la Polynésie en un millier d'années environ, très rapidement. En ce qui concerne donc les Polynésiens qui ont découvert et colonisé donc Rapa Nui, ils sont partis des Marquises. Bon, après tout ça, c'est des suppositions d'archéologues. Moi, je suis pas du tout archéologue. Je reprends ce que disent les archéologues. Hein. Donc, ils seraient partis des Marquises, sont passés par les Gambiers et vers il y a un millier d'années environ. Ils auraient atteint donc à 2500 km à l'est de l'archipel des Gambiers, ils auraient atteint donc cette petite île solitaire et minuscule. On pourrait d'ailleurs dire que c'est une première fin du monde, c'est le fait de quitter son île et se lancer comme ça dans une aventure, dans une traversée océanique vers l'inconnu. Hein. On ne sait pas si on va arriver au bout, évidemment. Et donc il y a une première survie là qui est grâce finalement aux techniques de navigation hauturière des Polynésiens. Bon, ça c'est pas une fin du monde spécifiquement Rapa Nui puisqu'ils ne sont pas encore arrivés sur l'île. Alors une fois qu'ils arrivent sur cette île de Pâques, c'est un cas d'insularité extrême. C'est une île qui a une superficie de 163 km², donc c'est pas bien gros, qui est à 2000 km de la terre habitée la plus proche, qui est l'île de Pitcairn, qui est encore plus petite. Hein. Et c'est une île, donc, de par ses caractéristiques, qui a une très faible biodiversité terrestre. Alors, elle a un aspect assez rebutant. Hein. Elle a des côtes rocheuses tout autour de l'île, sauf il y a deux petites plages. Il y a des falaises qui dominent pas, hein, mais qui entourent les trois volcans dont est issue l'île de Pâques. Mais malgré ça, c'est une île qui est tout à fait propice à la colonisation humaine. Lorsque les Polynésiens y arrivent, l'île est recouverte d'une forêt mésophile dans laquelle domine cette espèce de palmier qu'on retrouve au Chili central. Vous avez une photo là, donc, des palmiers sur la place d'armes de Santiago. Juvastea chilensis, on considère que c'est le plus grand palmier du monde. Donc c'est un palmier qui est apparenté. Ce n'est pas exactement cette espèce-là, mais il est issu de ce palmier-là. C'est une île donc, qui jouit d'un climat subtropical, doux et humide, qui a des sols volcaniques qui sont fertiles, qui a des points d'eau permanents, hein, donc des lacs de cratères qui renferment de l'eau, qui est un véritable hub pour les oiseaux de mer du Pacifique Sud-Est. Hein, là aussi, c'est de reconstitution de l'archéologie animale. On estime qu'il y a plus de 30 espèces d'oiseaux de mer qui nichaient sur l'île de Pâques, des dizaines de milliers d'oiseaux de mer. Il y avait aussi 6 espèces d'oiseaux terrestres endémiques. Et enfin, les côtes de l'île étaient très riches en mollusques et en poissons de récif. Donc finalement, capacité à accueillir une population de colons polynésiens. Alors, les archéologues distinguent trois phases dans l'histoire de Rapa Nui. Une première phase qui est celle de la colonisation, donc grosso modo hein, entre l'an 1000 et l'an 1200 de notre ère. Une seconde phase qui est dite d'apogée culturelle entre 1200 et 1500. Enfin, une troisième phase qui va de 1500 à 1722, qui est la phase dite du déclin de cette culture Rapa Nui. Pendant la première période, pendant la phase donc, de colonisation, les Rapa Nui entretiennent des relations épisodiques mais régulières avec ce qu'on appelle la sphère d'interaction Mangareva-Anderson-Pitcairn, qui se situe donc 2000 km à l'ouest. Hein, donc il y a des échanges de biens, bon, c'est pas très fréquent, mais ça existe. Et puis à partir du XIIIe siècle, ces relations cessent. Il y a plusieurs facteurs. Il y a l'invasion de Mangareva par des Marquisiens qui coupent l'île de ses réseaux. Il y a de petits âges glaciaires, donc des sécheresses récurrentes qui font que les Polynésiens abandonnent les îles de Pitcairn et d'Anderson. Bref, à partir, disons, grosso modo, hein, du XIIIe siècle, les Rapa Nui se retrouvent totalement isolés sur leur île. C'est la première fin d'un monde Rapa Nui. La fin d'un monde dans lequel cette populations étaient finalement restées connectées avec d'autres populations polynésiennes, de Polynésie donc orientale. Alors désormais se pose la question, comment va-t-elle survivre dans une île minuscule et dans un isolement absolu? Alors pour ça, je fais appel à une notion donc, sur laquelle je travaille depuis longtemps, qui est la notion de géodiversité. La géodiversité, c'est la diversité des géographies qui résulte des formes d'adaptation régionale et parfois de l'isolement des sociétés qui mettent en œuvre les géographies en question. Donc, géodiversité, tout simplement, diversité des géographies. Chaque société, au cours de son histoire, à des géographies qui sont plus ou moins singulières. Et les régions donc, où s'inscrivent ces géographies ont une géodiversité plus ou moins forte, plus ou moins importante. Pendant la période de colonisation, les géographies Rapa Nui étaient tout à fait semblables, grosso modo, à celles mises en œuvre dans d'autres îles et archipels de la Polynésie orientale. Donc, il n'y avait pas vraiment de spécificité. Il y a quelques... Je passe sur les détails. Tandis que à partir de la deuxième phase, donc, qui est la phase d'apogée culturelle, il y a véritablement donc, non seulement une culture spécifique qui se développe à Rapa Nui, dont le symbole le plus connu, ce sont les Moai, mais surtout donc, il y a une géographie spécifique Rapa Nui dans laquelle justement ces Moai jouent un rôle clé, jouent un rôle pivot. Et on va voir pourquoi, parce que justement, donc, c'est pendant cette période, disons, d'apogée culturelle, donc on peut dire que la géodiversité de Rapa Nui était très forte. Pendant cette période d'apogée culturelle, la population de l'île augmente pendant 3 siècles, jusqu'à atteindre un maximum que certains archéologues placent à 10 000 habitants. Certains pensent qu'il y en avait même davantage, même largement plus. Mais disons, la valeur moyenne, j'ai fait une valeur moyenne entre tout ce qu'on trouve comme opinion, grosso modo, 10 000. La densité de population est énorme, à tel point donc que les archéologues considèrent l'île de Pâques comme un ensemble archéologique continu, avec en 2006, ils avaient recensé plus de 20 000 points d'intérêt archéologique. Donc ici, vous avez une petite carte là, où on voit donc les points, juste les structures d'habitation sur le transect qu'on voit sur la carte. La forêt est progressivement défrichée et donc voilà, l'île est mise en valeur d'un point de vue agricole un peu partout. Or, donc ça va poser des questions cruciales. Comment faire vivre une population croissante sur une île exiguë, donc avec forcément un espace et des ressources limitées. Alors, il se trouve que c'est aussi à partir du XIIIe siècle que les Rapa Nui commencent à sculpter, à transporter et à ériger ces fameuses statues colossales qu'on appelle les Moai. Ces Moai, donc, on les trouve sur 125 hôtels, qu'on appelle les Aou, sur tout le pourtour de l'archipel, donc ça correspond aux lieux de peuplement principaux, de l'archipel de l'île, pardon. On en a recensé 890, c'est des statues qui mesurent en moyenne 5 à 6 mètres, qui pèsent une dizaine de tonnes, mais il y en a qui sont plus grosses et qui pèsent plus lourd, évidemment. Et chaque moai représente en fait la figure d'un ancêtre, et il a, alors vous voyez que ces moai sont tous tournés vers l'intérieur des terres, les statues sont tournées vers l'intérieur des terres, parce que à travers leurs yeux, et elle diffuse un mana, c'est-à-dire un pouvoir qui protège les descendants de l'ancêtre en question. Donc les villages, les communautés d'habitation sont placées à une certaine distance de ces Aou Moai et sont protégées en quelque sorte par le mana qui irradie des yeux de ces statues. Alors qu'est-ce que ça a à voir comme avec la géodiversité, la géographie, etc. Moi j'ai formulé l'hypothèse il y a un certain temps selon laquelle finalement le temps et l'énergie consacrés à cette activité de tailler des moai, de les transporter, de les ériger donc, sur ces plateformes, finalement ce temps et cette énergie sont justifiés par le fait que ça engendrait un état de paix permanente entre ces communautés Rapa Nui. Et cette notion, disons, s'inspire d'une notion, cette idée, cette hypothèse s'inspire d'une notion tirée de la biogéographie insulaire. Les biogéographes qui s'intéressent aux faunes insulaires ont forgé donc la notion d'effet de voisinage. L'effet de voisinage, en fait, ça désigne l'adaptation des faunes insulaires à la faible superficie des îles et à leurs ressources limitées. Une situation que l'inflation des densités de ces populations insulaires rend critique. Hein. Dans les faunes insulaires, on a ce qu'on appelle des inflations de densité, des multiplications, il y a peu de concurrence, bon, etc. etc. Donc un effet de voisinage, en quoi ça consiste pour les biogéographes? Ça consiste dans le fait que ces animaux vont modifier leur comportement de façon à réduire leur agressivité et vont réinvestir l'énergie libérée par rapport à, disons, une agressivité qui s'exercerait dans la défense territoriale, vont réinvestir l'énergie libérée dans des activités qui permettent la survie du groupe. Dans le cas des animaux, c'est par exemple consacrer davantage d'énergie et de temps à rechercher de la nourriture ou à s'occuper de petits, hein, de leur descendance, mieux, etc., etc. Alors, en appliquant cette notion d'effet de voisinage au Rapa Nui, de fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le fait que, au lieu de se livrer à une compétition mortifère pour élargir leur territoire respectif, les clans Rapa Nui vont s'engager dans une rivalité pacifique à travers la construction de moai, donc activité qui, d'une part, détourne leur énergie de fin belliqueuse et a comme avantage, disons, de leur procurer davantage de protection à travers le mana. Cette idée a été reprise par Hunt sous une autre, disons, lui, il a pris un autre concept de biogéographie insulaire, mais peu importe, je reste sur la mienne. Donc finalement, c'est cet effet de voisinage qui, d'après moi, a permis à cette société Rapa Nui de vivre relativement en paix, hein, pendant 3 siècles. Pourquoi dit-on qu'elle a vécu en paix? Parce que les archéologues n'ont pas retrouvé de traces d'architecture défensive ou d'armes, etc., jusqu'au XVIe siècle, donc qui marque justement l'effondrement. Alors justement, cet effondrement, il survient parce qu'il se trouve que cet effet de voisinage, il porte en lui-même des germes de sa propre destruction, parce que de fait, il est fondé sur une croissance indéfinie du nombre de moai nécessaires. Ça rappelle un petit peu la croissance économique. Hein. C'est, on va chercher dans la croissance les remèdes à ce qui arrive par ailleurs. Alors, pourquoi toujours plus de moai? Premièrement, parce qu'il s'agit, disons, d'une compétition permanente entre les chefs. C'est quelque chose de classique en Polynésie, et pas qu'en Polynésie. Hein. C'est donc que chacun va avoir de plus en plus de moai, et des moai de plus en plus importants. Et deuxièmement, et surtout, parce que la pression démographique, la pression sur les ressources naturelles, le fait qu'au XVIe siècle, on ait affaire à des niños récurrents qui vont assécher le climat, etc., font que la population Rapa Nui demande, en tout cas les élites Rapa Nui, on a besoin davantage de protection, donc on va avoir toujours plus de moai et des moai en plus de plus en plus grands, puisque ça nous apportera davantage de protection. Donc on se trouve un peu dans un cercle vicieux. Plus de population, ça veut dire plus de défrichement. Plus de moai, ça veut dire plus de défrichement aussi, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces moai, en fait, on utilise des troncs de palmiers pour les rouler jusqu'aux sites littoraux, et ensuite aussi d'autres troncs pour les ériger, hein, sur des plateformes. Donc tout ça, ça demande, ça consomme beaucoup de bois, et en plus, donc ça c'est l'hypothèse de Hunt, les gens, les Rapa Nui sont tellement absorbés par ces activités qu'ils vont délaisser la surveillance des rats qu'ils ont eux-mêmes introduits, hein, ces rats qui vont proliférer, qui vont s'attaquer aux graines des palmiers, c'est-à-dire que non seulement les palmiers sont coupés à un rythme de plus en plus important, mais en plus les rats vont par ailleurs, disons, empêcher le renouvellement de ces arbres. Donc le résultat, c'est que la forêt est détruite, hein, fin 16e, début 17e, la forêt est entièrement détruite, complètement déboisée. À partir de là, donc, la catastrophe est systémique. Hein. On n'a plus de bois, donc on ne peut plus construire de pirogue, donc on ne peut plus pêcher en mer. La fin de la couverture arborée de l'île, la livre complètement à l'érosion, aux embruns marins, au soleil, donc ils vont brûler les cultures. Tout ça va entraîner donc une brutale diminution de la surface culturée, enfin des ressources alimentaires disponibles, alors que, je vous le rappelle, la population est à son maximum. À partir de là, donc, la famine s'installe et les guerres deviennent endémiques. Hein, les guerres apparaissent à l'île de Pâques, à Rapa Nui, et donc les archéologues estiment que la population de l'île de Pâques diminue entre un tiers et deux moitiés à ce moment-là, donc un moment qu'on estime être fin 16e, début 17e. Donc c'est bien l'effondrement dont on nous parle, hein, toujours, c'est ça l'effondrement de l'île de Pâques, enfin de Rapa Nui. C'est là dans notre communication, c'est la deuxième fin d'un monde Rapa Nui. Alors comment font-ils? Ils vont quand même survivre. Ils vont survivre en faisant preuve d'une certaine adaptation. D'abord, ils deviennent experts en pêche depuis le rivage. Ensuite, ils vont abriter leur culture à travers, donc, dans des cercles de pierre ou en les cachant dans des enclos de pierre, de façon à les protéger des embruns, en les cachant dans les anfractuosités de la lave. Ils vont procéder à un paillage lithique, c'est-à-dire ils vont disposer des pierres sur le sol partout pour essayer de retenir l'humidité, pour essayer de limiter l'érosion. Et puis, ils vont faire preuve aussi d'une certaine inertie culturelle, hein, malgré la catastrophe. Ils vont continuer à produire des moailles. Alors ça va peut-être expliquer le fait qu'ils ne se sont pas entretués jusqu'au dernier. Ils ont continué à fonctionner un petit peu sur cet effet de voisinage. Mais les moailles, ils sont restés sur place, comme on le voit. Hein, il y en a près de 400 qui sont restés fichés sur les flancs du Rano Raraku, donc le volcan dont on les sculpte. Puis certains d'entre eux donc, n'ont même pas été terminés. Enfin, toujours est-il que lorsque les Hollandais arrivent à la fin de cette période, en 1722, ils décrivent l'île. Bon, ils sont bien sûr étonnés de voir le contraste entre une île déboisée et des statues colossales, mais ils décrivent l'île comme étant un jardin d'Éden, couverte de jardins, justement, avec des bananiers, des patates douces, etc. Et ils décrivent les habitants de l'île de Pâques comme étant généreux, robustes et gracieux. Donc, on est loin d'une idée d'effondrement, de famine. Enfin, ils ont pu s'en sortir, donc il y a une résilience, pour le coup, qui contredit cette notion d'effondrement total. Alors, les choses vont être bien différentes à partir, disons, de cette arrivée des Hollandais. Là, on inaugure, disons, notre période. Dans l'histoire post-contact européen, je distingue trois périodes. La première, donc, qui est celle du contact entre 1722 et 1861. La deuxième, celle de destruction et réclusion de 1862 à 1965. Et enfin, la troisième, de 66 à aujourd'hui, qui est celle de l'intégration. Donc, à la fin de. Donc, le contact hollandais fait qu'ils inaugurent cette première période. Et là, en fait, donc, c'est une ouverture géographique avec toutes ses conséquences. Les conséquences sont terrible, hein, d'un point de vue écologique, l'impact écologique, il est d'ordre viral. Les maladies importées par ces Européens qui vont rester très peu de temps, hein, ils vont rester quelques jours, les Hollandais, contaminent une population qui avait évolué en vase clos, qui n'est pas immunisée, et donc ça rappelle en fait les extinctions dites de premier contact qu'on a eues à l'échelle continentale en Amérique lors de l'arrivée des conquistadors ibériques. Donc toujours est-il que ça provoque 2 à 3 000 morts Rapa Nui en quelques dizaines d'années, ou même moins d'ailleurs. Les impacts sociaux de cette contamination, de ces maladies sont terribles. Donc cette chute brutale de la population entraîne une panique, dérègle complètement la société, qui va se trouver, d'après les archéologues, en état de guerre totale pendant 2 décennies au moins, avec comme on renverse les moailles des clans adverses. On abandonne progressivement le culte des moailles. Et donc là, il s'agit effectivement de la troisième fin d'un monde Rapa Nui. Hein. C'est lui d'une population donc, qui avait réussi à survivre pendant près de 2 siècles dans un isolement toujours aussi fort, mais sur une île écologiquement ravagée. Le véritable effondrement, donc, il est là. L'île, donc à partir du 18e, n'est plus du tout le lieu habité le plus isolé du monde, hein, comme les partisans de la thèse de l'écocide se plaisent à appeler toujours l'île de Pâques. Les entreprises touristiques actuelles continuent à en parler. Non, c'est une île, comme on le voit sur cette carte, hein, qui est quand même fréquentée, et plus que fréquentée. Alors, comment font-ils pour survivre à cette fin du monde, cette troisième fin du monde? Ils vont changer de culte. Donc là, ils renversent les moailles et ils vont remplacer les moailles par le culte de l'homme-oiseau. Le culte de l'homme-oiseau, en deux mots, parce que le temps passe, c'est une entente entre les clans de l'île qui se retrouvent, les 10 clans de l'île, la dizaine de clans de l'île se retrouvent tous les ans à l'extrémité sud de l'île de Pâques. Chaque clan désigne un champion, un jeune homme qui doit descendre la falaise que vous voyez sur la photo, nager jusqu'au Motu, jusqu'à l'îlot le plus éloigné, attendre que les sternes arrivent pour y nicher, recueillir, le premier qui recueille un œuf de sterne et qui réussit à faire le chemin inverse sans casser l'œuf, c'est-à-dire renager les 2 km, grimper la falaise, arrive en haut au sommet avec l'œuf intact, donne le droit à son clan d'utiliser librement les ressources de l'île pendant un an. Alors là, il ne s'agit plus de bons voisins, hein, c'est par la force, mais il s'agit quand même d'une sorte de mode de régulation finalement qui... Voilà, c'est rugueux, mais ça régule quand même l'accès aux ressources de l'île. Donc c'est un nouveau mode d'adaptation. De plus, ces Rapa Nui vont s'immuniser progressivement à certaines maladies. Hein, il y a tellement de contacts que bon, finalement, la population Rapa Nui décline peu entre 1770, la deuxième visite des Européens, et 1861. Donc elle a bien survécu encore à la fin d'un monde. Alors, la deuxième période, hein, celle donc de la destruction, elle est inaugurée en 1862 par des razzias d'esclavagistes péruviens. En Noël 1862, il y a 8 navires qui débarquent du Pérou, qui raflent la moitié de la population estimée de l'île de Pâques, estimée à 3000 habitants à ce moment-là, et qui donc les emportent pour aller travailler dans les haciendas du littoral péruvien. Il y a une campagne humanitaire, peut-être la première campagne humanitaire internationale de l'histoire. Ils sont rapatriés, il n'y a que 15 survivants qui sont rapatriés et qui vont contaminer le reste de la population. Et donc, on estime qu'en 2 ans, la population, compte tenu donc à la fois des personnes qui ont été emmenées, des morts au Pérou et des malades sur place, donc 60% de la population de l'île a disparu en 2 ans. Les hautes castes ont été entièrement éliminées, c'est-à-dire qu'on a des pans entiers de la culture Rapa Nui qui ont disparu d'un seul coup. Ce qui suit, c'est les missionnaires qui sautent sur l'aubaine, hein, une société totalement désorganisée. Les missionnaires arrivent à l'île de Pâques en 64, et là, ils se mettent à évangéliser à tour de bras, et de fait, ils ne peuvent pas enrayer, évidemment, la chute de la population, mais ils tiennent une comptabilité des morts, et eux, donc là, on en est certain, il y a plus que 600 habitants à l'île de Pâques en 1868. À partir de là, il y a un entrepreneur français qui s'installe à l'île de Pâques, qui va acheter des terres aux Rapa Nui moribonds, en leur faisant signer un peu n'importe quoi, et qui va finir par contrôler 90% de l'île au début des années 1870. Ils entrent en conflit avec la mission, les missionnaires partent de l'île de Pâques, ils emmènent 200 Rapa Nui survivants, l'île se retrouve pratiquement déserte, au point qu'en 1877, on ne compte plus que 110 Rapa Nui sur l'île. Autrement dit, en 14 ans, 95% de la population Rapa Nui a disparu. Ensuite, c'est le Chili qui prend la relève, hein, colonisation chilienne, échec de la colonisation chilienne. Le Chili cède l'île à une entreprise qui est bien nommée la Compagnie d'exploitation de l'île de Pâques, la CEDIP, qui est une filiale d'une transnationale britannique et qui, elle, va livrer toute l'île aux moutons, qui va enfermer la population Rapa Nui restante dans la partie gris sombre, hein, d'environ 1900 hectares sur 163 km², et avec interdiction totale de sortir de ce réduit. Il est entouré de barbelés, sauf pour travailler, puisque quelques-uns d'entre eux viennent travailler à l'hacienda. Donc l'île va compter jusqu'à 40 000 têtes de bétail en 34, plus de 50 000 en 53. À partir de quand la compagnie termine son bail, et c'est la marine de guerre chilienne qui prend la suite de l'administration de l'île. Et jusqu'en 1965, les Pascans, comme les appellent les Chiliens, ont interdiction toujours de sortir de leur réduit et a fortiori de sortir de leur île. Donc c'est un cas absolument unique en plein XXe siècle. Bon, aussi on parlait de la Corée du Nord. Voilà, c'est une petite Corée du Nord au large de l'Amérique latine. Bon, j'ai trop le temps, donc je vais m'arrêter là sur le... Si, je pourrais parler quand même de la troisième ouverture géographique. Elle arrive à partir de 66. En 66, il y a une révolte des habitants de l'île de Pâques qui profite de la présence de militaires américains qui sont en train de construire la piste d'aviation, d'une expédition scientifique canadienne qui est là pour les étudier et qui font passer, disons, l'information au monde. Hein. Il y a un message qui est lu même aux Nations Unies sur les conditions de réclusion qui sont les leurs. Donc il y a un scandale international. Le Chili, très vite, va tourner la page, va octroyer la citoyenneté chilienne aux habitants de l'île de Pâques, va faire de l'île de Pâques un département chilien, va autoriser évidemment la mobilité des Rapa Nui et va favoriser le développement du tourisme. Alors le tourisme va se développer très rapidement, hein, 5000 touristes en 70, 20 000 en 2000, 80 000 en 2010, 200 000 touristes attendus en 2020. C'est la troisième ouverture géographique, j'ai moins le temps de la développer, hein. C'est ce que j'appelle la continentalisation de l'île de Pâques, c'est-à-dire en fait un genre de vie qui devient semblable à celui du Chili continental, avec une prospérité qui amène des biens de consommation en masse. Hein. L'île de Pâques est le département chilien qui a le plus grand nombre de véhicules par habitant. Donc ils importent toute leur nourriture, ils ont une extrême dépendance par rapport au dehors. Ils construisent des routes asphaltées, il y a des plantations d'eucalyptus qui se développent, ça pose des problèmes dont symbolisés ici par cette décharge d'ordures, donc une vulnérabilité très importante, une reconnaissance et des revendications de Rapa Nui. Donc le problème c'est qu'en fait il n'y a plus de géographie Rapa Nui de fait. Je termine, puisque là j'ai fini, juste par ce graphique qui résume un petit peu finalement ce que je viens de vous raconter. Donc on voit le maximum démographique, j'ai mis ça en 1550 par convention. On a un effondrement, donc les fameux effondrements Rapa Nui, fin 16e. Ensuite on a une stabilisation jusqu'à l'arrivée des Hollandais. La première ouverture géographique avec une chute de la population, mais qui finalement est moindre. La deuxième ouverture géographique, elle est radicale, hein, c'est celle qui est le véritable effondrement de l'île de Pâques, puisque là, la culture, etc., a été éradiquée. Il n'y a plus de géographie, en fait. À partir de la deuxième ouverture géographique de l'île de Pâques, il n'y a plus de géographie Rapa Nui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité, il n'y a plus de territoire Rapa Nui, il n'y a plus de capacité locale, justement, à organiser son espace, il n'y a plus de relations particulières, de relations Rapa Nui, on va dire, avec l'environnement, hein, tout ça c'est importé, ce sont des acteurs étrangers qui contrôlent l'île, qui organisent l'espace, etc., etc. Et enfin, la troisième ouverture géographique, donc on voit un des problèmes majeurs qui se passe, entre autres, c'est justement l'arrivée massive, à l'échelle de l'île, bien sûr, de Chiliens du continent, que les Rapa Nui appellent les Contis, donc les continentaux, qui sont maintenant aussi nombreux finalement que les Rapa Nui, et puis donc une explosion du nombre de touristes, donc qui amène des pressions très fortes. De fait, ce type d'ouverture géographique, on le trouve ailleurs, hein, dans le monde, à d'autres époques, au Mexique, donc lors de la conquista espagnole. Vous avez une chute de la population indienne. Et voilà, on a exactement le même profil, hein, c'est des ouvertures géographiques typiques d'épisodes coloniaux, de premiers contacts. Et puis là, je vous ai mis les Galapagos et la troisième ouverture géographique de l'île de Pâques. On voit pareil la population et le tourisme qui augmentent. Donc en conclusion, de fait, ces ouvertures géographiques que vous avez sous les yeux donc, montrent bien qu'elles sont liées à un processus géohistorique qui est celui de la mondialisation, hein, qui se passe donc à différentes époques, à différents endroits du monde. On en arrive donc à ce que j'appelle la troisième ouverture géographique à l'île de Pâques, qui est en fait typique finalement de la mondialisation actuelle, hein, pour appeler celle du monde global, hein, et qui se traduit en fait cette mondialisation actuelle par une homogénéisation des géographies à l'échelle du monde, en fait des géographies semblables partout. Hein, par exemple, la place de l'île de Pâques, c'est celle d'être une destination touristique haut de gamme. On retrouve au Galapagos, on retrouve les mêmes choses. Bon, je passe là-dessus. Ce monde global, c'est celui de l'Anthropocène, hein, je ne vous apprends rien. Or, il me semble, c'est ma thèse, que préserver et inventer, parce qu'on peut aussi inventer la géodiversité, peut contribuer à éviter que la fin d'un monde devienne la fin du monde, puisqu'on est dans la fin d'un monde Rapa Nui. Mais maintenant, bon, il n'y a pas de fin du monde Rapa Nui à ce moment-là, mais dans la mesure où on est dans un monde qui est de plus en plus homogène, si ce monde-là collapse, pour reprendre les termes de Diamond, ça peut être la fin du monde. Enfin, je vais pas devenir apocalyptique, mais c'est un petit peu l'idée de conclusion. Voilà, j'ai un petit peu fait rapidement, faute de temps. Merci.